Saint Luc est l'auteur du livre des Actes des Apôtres, qui, dans la Bible, se trouve après les quatre évangiles. Dans ce livre, la suite de son évangile, il raconte comment les apôtres vont dans les villages et les villes pour annoncer la bonne nouvelle. Ainsi, ils font ce que Jésus ressuscité leur a demandé, « Maintenant, allez dans le monde entier, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tous les commandements. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Pierre, mais aussi Paul, un grand témoin de Jésus, donnent leur vie pour Jésus et pour leurs frères. Philippe baptise le ministre de la reine d'Éthiopie. Un jour, il y a même eu 3000 baptêmes en même temps. Jésus leur avait dit « Je serai là tous les jours avec vous ». Cela donne la force aux apôtres de faire des grandes choses et même des miracles. Dans ce livre, tu liras que les premiers chrétiens prennent soin de ceux qui en ont le plus besoin, les pauvres, les malades, les veuves, les enfants, les gens tristes. Mais parfois, ils se cachent, par peur de ceux qui leur veulent du mal. Ils se retrouvent dans les maisons et font attention à ce que personne ne les dénonce. Aujourd'hui encore, dans certains pays du monde, des chrétiens doivent se cacher.